Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, radio locale, située à Remiremont, à Saint-Étienne-le-Remiremont, plus exactement. Saint-Étienne-le-Remiremont, place de la mairie. Et puis, local, non seulement local, mais libre aussi. Et ça, c'est plus difficile. Hein. Ça fait 41 ans qu'elle existe, cette radio, qu'elle est libre. Enfin, qu'elle essaye. Hein. Elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Alors, le programme de ce soir, eh bien, le calendrier des esclavages et des libérations, comme son nom l'indique, nous parlera de le calendrier, bien sûr. Ensuite, pour ou contre le suffrage universel direct, c'est une émission de 1962, hein, qui est enregistrée, et qu'on peut repasser maintenant, parce que, voilà, parfois l'histoire se répète, parfois, hein. Alors, 2019, un autre reportage, toujours plus d'enfants dorment dans la rue, 2019, toujours plus d'enfants dorment dans la rue, en France, pas dans un pays lointain, en France, où les gens votent intelligemment, hein, pour des gens bien, pour des gens efficaces, des gens utiles, des gens qui sont corrects, qui sont justes, qui sont propres, qui sont nets, qui sont fréquentables. Hein. Eh oui, on ne voterait pas pour n'importe quoi, pour n'importe qui, voyons. Alors, Jean-Luc Mélenchon, coalition des socialistes russes contre la guerre en Ukraine. Alors il recevait Alexei Saknin. Ensuite, INA, 1924, Institut National de l'Audiovisuel, 1984, j'ai mal écrit, 1984. Albert Jacquard, Espèce humaine, les risques. Hein. Ensuite, Barreau chez Jacovici. Et puis, Roger Jiquel et le changement d'heure, Alina. Oui, et Roger Jiquel, vous vous souvenez, Roger Jiquel? Eh oui. Oh, il est sorti à peu près en même temps que les radios libres. Hein. Ouais. Et puis, Lina, édito de Bernard Langlois, Institut national de l'audiovisuel. Ils en ont des bonnes émissions. Et ils devraient les repasser souvent. Hein. C'est dommage. On regrette quand on en trouve une, ben c'est drôlement bien. Hein. Donc, édito de Bernard Langlois, cette émission date de 1986. La sobriété des riches sur France Inter. Et puis, bon, une petite revue de presse. Ce sera tout pour ce soir. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère quand on est solitaire. Quand dans une chapelle, sous la blanche et très belle statue de la douce Immaculée Conception, je sentis la foi naître et au fond de mon être du Seigneur Jésus corrige la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse et désormais mon existence. Calendrier des esclavages, eh oui, des esclavages et des libérations. 1831, Grande-Bretagne. Lors d'un meeting où sont invitées les classes productives de Londres, les travailleurs approuvent la charte du peuple. 1836, USA. À Washington, les imprimeurs et les cordonniers se rencontrent une première fois pour s'organiser. 1880, Suisse, fondation de l'Union syndicale suisse, la plus importante centrale syndicale de la Confédération. 1904, Mexique, première grève déclenchée par les frères chauffeurs pour 25% d'augmentation et une diminution du temps de travail. Ils obtiennent 12% et une heure de travail en moins. Ils obtiennent 12% d'augmentation de salaire et une heure de travail en moins. Hein, vous voyez comme quoi ça vaut le coup de se prendre par la main et de bouger pour faire bouger les choses. Eh oui. En 1904 au Mexique, les gens ils avaient du courage. 1910, France, en Champagne, suite à une mauvaise récolte et à la misère, les vignerons engagent une action contre les fraudeurs qui introduisent du vin étranger à la région. 1917, Russie. Victoire de la Révolution d'octobre. À 10h du matin, le comité révolutionnaire militaire lance un appel rédigé par Lénine aux citoyens de Russie. Deux points ouvrons les guillemets. Le gouvernement provisoire est destitué. La cause pour laquelle le peuple a lutté, à savoir la proposition immédiate de la paix démocratique, l'abolition du droit de propriété sur les terres des propriétaires fonciers, le contrôle ouvrier de la production, la création d'un gouvernement de soviet, c'est-à-dire de conseil, cette cause est assurée. Vive la révolution des ouvriers, des soldats et des paysans. Point d'exclamation, vite fermons les guillemets. Ça donne pas des idées à certains, quand même, hein. C'était en 1917 en Russie, ça, c'est pas, rien à voir avec la France de 2022, hein. Ben non. 1918, Allemagne, le mouvement révolutionnaire atteint Hambourg. Eh oui, si ce mouvement révolutionnaire avait pu aboutir, ça nous aurait évité l'arrivée d'Hitler au pouvoir et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc il faut quand même de temps en temps réfléchir, manifester et voter. Intelligemment. 1918, France, dans Strasbourg, rattachée à l'Allemagne depuis 1871. Des manifestants parcourent les rues au cri de « Vive la France !» 1924, Autriche. Grande grève dans les chemins de fer. 1930, Philippines. Le Parti communiste fait son apparition officielle dans des rassemblements de masse à Manille. Son programme, classe contre classe. Il sera rejeté dans l'illégalité au bout d'un an. Ça vous étonne ? 1937, Italie. L'Italie fasciste se joint à l'Allemagne hitlérienne et au Japon dans le pacte anti-comintern, anti-troisième international. 1937, Italie. L'Italie fasciste se joint à l'Allemagne hitlérienne et au Japon dans le pacte anti-comintern. Eh oui. Oh, toute ressemblance, bon. 1970, Bangladesh. Début de la lutte contre le gouvernement du Pakistan occidental. Journée révolutionnaire. 1978, Tchécoslovaquie. Manifestation anti-soviétique à Prague. Révolutionnaire, ça veut pas dire qu'il y a des canons, des fusils, des mitraillettes, des mitrailleuses, des baïonnettes, etc. Non, la révolution, c'est pas forcément la violence physique. Non, la révolution, imaginez que les Français votent à 100% pour les insoumis, par exemple. Hein ? Eh bien, ce serait la révolution. Sans verser une goutte d'encre, sans verser une goutte de sang. Eh oui, la révolution, c'est le changement radical. C'est tout. Voilà. 1978, Tchécoslovaquie, manifestation anti-soviétique à Prague. 1981, Argentine, par la marche pour la paix de Le Pain et le travail, la CGT péroniste, l'Église et la plupart des partis manifestent leur défiance vis-à-vis du régime. 1982, Espagne, le pape Jean-Paul II, aux travailleurs et entrepreneurs à Barcelone, ouvrons les guillemets, chers frères ouvriers et chers employeurs d'Espagne, soyez solidaires. Chers frères ouvriers et chers employeurs d'Espagne, soyez solidaires. Point d'exclamation, fermons les guillemets. Hein ? Eh oui, c'était le pape qui parlait. Voilà. Il était révolutionnaire. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zé au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux, de joie mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirai si un jour tu t'en irais. ...1958, élection présidentielle en France. Saviez-vous qu'à l'époque, le chef de l'État n'était pas élu par le peuple, mais par un collège électoral de grands électeurs? Plus de 80 000 au total, composés notamment de députés et de sénateurs. 4 ans plus tard, le 20 septembre 1962, Charles de Gaulle, alors président, veut changer tout ça. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Son but, renforcer la légitimité du président auprès des Français. C'est un coup de tonnerre politique. Car pour élire le président au suffrage universel direct, il faut modifier une partie de la Constitution. Comment ? Soit en organisant un référendum auprès des Français, soit par l'approbation du Congrès. Problème, le Congrès est contre. Ce sera donc par référendum. L'opposition politique s'insurge. Elle craint que trop de pouvoir soit dans les mains d'un seul homme. Mais si vous vous rendez compte des dangers dramatiques que cela présente, de l'impossibilité ensuite de défendre vos droits, vos revendications, vos libertés peut-être, autrement que par la violence, si vous voulez éviter cela, alors avec nous, dites non. En plus, le président Charles de Gaulle a décidé de ne pas soumettre ce référendum au Parlement français, ce qui est contraire à la Constitution. Mais du côté du gouvernement, ça n'a pas l'air d'être un problème. En 1958, quand il s'est agi d'abolir la Constitution de 1946, celle de la 4e République, et de voter notre actuelle Constitution, comment s'y est-on pris ? Par référendum, sans aucun débat parlementaire. Finalement, malgré plusieurs semaines de crise politique, le référendum a bien lieu. Oui ou non, le président de la République sera-t-il élu par tous les citoyens ? Si la réponse est positive, elle transformera la vie politique de l'État. 28 octobre 1962, les Français se rendent aux urnes, y compris le président de la République. À la mairie de Colombelles-les-Deux-Églises, redevenu pour un moment simple citoyen, le général de Gaulle a, comme tout le monde, déposé son bulletin. Et les résultats tombent le soir même. 62,10% des suffrages pour le oui, 37,90% pour le non. Voici donc le général de Gaulle confirmé au pouvoir, à une heure où une crise ne pouvait avoir que de fatales conséquences. C'est historique. 3 ans plus tard, en 1965, c'est l'heure de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Avec 55,20% des voix au second tour, Charles de Gaulle est réélu à la tête de l'État face à François Mitterrand. C'est une autre France, la nuit d'or, quand vous voyez des bébés, des nourrissons, des enfants dormir à même le sol dans la rue. Oui, on est en colère. Cette femme qui témoigne anonymement dort dans la rue depuis 4 mois avec son mari et ses 2 enfants. La cadette a seulement 2 ans et demi. Journaliste algérienne, elle a quitté son pays pour soigner son fils de 8 ans, atteint d'un diabète aigu. Mais un mois à peine après son arrivée, elle s'est retrouvée à la rue avec toute sa famille. Alors à l'approche de l'hiver, elle doit tout faire pour garder ses enfants en sécurité. J'appelle le 115 des fois à 3h du matin, à 2h du matin, à minuit. Je les harcèle, pas souvent, mais quand il fait froid, j'arrête pas d'appeler. Ils raccrochent, ils me disent il n'y a pas de place, et je rappelle. Pour dire qu'en quoi vraiment on a besoin d'être au chaud. Les enfants qui ont besoin d'être au chaud. Mais il n'y a rien. Rien qui se fait. Je demande à leur père de les prendre dans les métros des fois, parce qu'il fait chaud. Ces jours-ci de grève, il y a beaucoup de métros qui sont fermés, donc les stations sont fermées. Ça complique beaucoup plus les choses. Donc ils sont dans les bus des fois. Ils prennent un bus pour aller n'importe où, juste pour prendre le bus et revenir. Hier, on a fait la même chose. Ils ont tourné des heures et des heures dans le même bus pour que les enfants n'aient pas froid. Pour ses enfants, et particulièrement son fils malade, vivre dans la rue est une expérience traumatisante. Mon fils n'a pas accepté cette situation. Je pense qu'il a honte de cette situation. Il se cache beaucoup plus le visage quand il voit les gens qui me regardent dormir dans la rue. Ça le frustre beaucoup et ça le met mal à l'aise. Le seul répit pour cette famille, c'est l'espace solidarité insertion de Bonne Nouvelle. On a un lieu d'accueil pour familles sans abri, donc toutes les familles qui viennent ici, ça veut dire qu'elles ont passé la nuit dehors ou dans les espaces qu'elles arrivent à trouver pour se mettre à l'abri. Grosso modo, c'est les hôpitaux, les gares, les métros, elles passent pas mal de temps dans les gares. Il y en a qui sont dans des halls, dans des caves, des mosquées, des églises. Un petit jus de fruits ? Tu veux pas ? Un petit bonbon ? Une madeleine ? Dani, tu veux une madeleine ? Un bonbon ? Oui, tiens, regarde, un bonbon. Ah. Comme les 15 autres SI de la capitale, l'accueil de Bonne Nouvelle permet aux personnes en grande précarité de retrouver un peu de confort, douche, machine à laver et nourriture. L'occasion aussi pour les familles d'échanger, pour rompre la solitude. Ça permet aussi, ce moment-là, bah, parents et enfants de souffler, de respirer un peu les uns des autres. Moi, j'ai assisté à des rencontres super émouvantes avec des gamins qui disaient « Ah, t'as dormi à quel hôpital ? Moi, j'ai dormi à tel hôpital !» et tout. Ils se rencontraient là-dessus. Puis c'est des enfants, donc ça les empêche pas de s'amuser, quoi. Mais dans cet accueil de jour, la fréquentation a doublé en 2 ans. En cause, l'augmentation du nombre de familles sans-abri. Les dispositifs d'accueil sont débordés et Clotilde a constaté une nouveauté dramatique cette année. On a vu arriver énormément de nourrissons en 2019. Avant, ça pouvait arriver une fois, deux fois, mais là, on a eu quand même, moi j'ai compté 85 enfants de moins de 6 semaines sur l'année 2019, donc 85 fois un enfant différent qui a moins de 6 semaines qui est enregistré ici. Comment on peut ne pas les prioriser ? Enfin, on est obligé de les prioriser. Nombre de places insuffisants dans les centres d'accueil, manque de moyens pour les associations, les défaillances de l'hébergement d'urgence frappent de plein fouet les enfants. À la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal logement, Christophe Robert dresse le même constat. On voit bien qu'on est dans une situation de tension extrême. Et la situation des enfants à la rue, ou des familles avec enfants à la rue, des femmes qui sortent de maternité sans solution et qu'on garde à la maternité parce qu'on a bien conscience dans le secteur hospitalier que si on leur dit de quitter la maternité, ils vont se retrouver à la rue. C'est un phénomène d'une ampleur aujourd'hui que nous n'avons jamais connue auparavant. Je vous assure qu'il y a 10 ans, une personne avec enfant à la rue trouvait une solution le soir même venu. Donc il se passe quelque chose. On est devant le mur, si vous voulez. C'est pas qu'on le mur approche, c'est qu'on y est. On y est. Quand on laisse des centaines d'enfants à la rue dormir alors qu'on sait très bien et qu'ils ont sollicité une aide, ça veut dire qu'on est bien tombé bas. Et donc je crois qu'il faut une prise de conscience collective. Une prise de conscience qui semble faire défaut au gouvernement. Depuis plusieurs années, les politiques sociales et sanitaires se sont dégradées. Résultat, les efforts investis dans l'hébergement d'urgence restent insuffisants. On ne peut pas dire que rien n'a été fait dans le domaine de l'hébergement d'urgence, mais ça ne peut pas être un palliatif éternel à l'absence des autres politiques. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui se passe depuis une dizaine d'années. Absence de réponse à la politique migratoire, absence de réponse suffisante en matière de prévention des expulsions locatives, en matière d'accompagnement santé des personnes avec des difficultés psychiques, en matière d'aide publique aux ressources, des APL, de l'assurance chômage, etc. Des politiques publiques inefficaces qui ont des conséquences dramatiques. À Paris, au moins 700 enfants dorment chaque soir dans la rue. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, commenter, partager. Et pour nous soutenir, c'est par ici. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot, trop qui coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. La tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau. dans le ruisseau des blancs manteaux. Que vous compreniez, il y a beaucoup des élus du groupe parlementaire de la France Insoumise et peut-être des élus NUPES aussi qui ont pu se rendre disponibles. Alors je voulais, évidemment au nom du groupe parlementaire, mais aussi au nom des députés du peuple que nous sommes, accueillir ici Alexa et Saknin, ainsi que deux de ses camarades, Andrei Rudoy et Elisaveta Smirnova. C'est un honneur de vous recevoir ici. C'est un honneur d'autant plus grand que Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il était candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle, avait tenu un grand meeting pour la paix à Lyon qui avait eu lieu le dimanche 6 mars 2022 et avait à cette occasion diffusé un message vidéo d'Alexeï Sakhnin, membre de la coalition des socialistes contre la guerre et opposant à Vladimir Poutine. Nous l'avons dit et répété et nous le répétons encore ici. C'est Poutine et son oligarchie, eux et eux seuls, qui portent la responsabilité de l'invasion en Ukraine. Et nous ne confondons pas le peuple russe et le gouvernement de Poutine. En Russie, nos alliés s'opposent courageusement à Poutine et à sa guerre. Et je voudrais saluer ici leur immense courage, d'autant plus qu'on nous rappelait à l'instant... de leurs camarades risquent aujourd'hui la prison en Russie. Plus que jamais, la France doit œuvrer à la paix. Pour y parvenir, il faut travailler à isoler le pouvoir russe, accueillir et protéger ses opposants et y participent. Fin septembre dernier, Jean-Luc Mélenchon avait publié et rendu public un message venant de Russie. Je veux vous en relire ces quelques mots. Pour que la peur se transforme en colère et en détermination, nous avons besoin de soutien et de solidarité. Nous vous demandons de devenir notre voix commune dans les ténèbres et le silence. La France a toujours été la terre d'accueil de ceux qui s'érigent contre les ténèbres et de ceux qui les subissent. La France a toujours été la terre d'accueil de ceux qui refusent d'être réduits au silence et qui sans relâche crient paix et justice. La France a toujours été la terre d'accueil des défenseurs de la paix et de ceux qui, persécutés, viennent la chercher ici. Nous en sommes aujourd'hui les humbles héritiers. Bienvenue et merci à vous d'être là. Bon, vous imaginez, mes chers camarades, l'émotion que je peux ressentir aux côtés de Arnaud Legal, qui a été le magnifique artisan du travail qui a permis à nos amis d'abord d'être identifié, de bénéficier de visas français en Russie, puis à leur sortie de Russie, d'être à nouveau pris en charge par l'ambassade du Kazakhstan, où des milliers de Russes étaient à la recherche de la possibilité de se diriger vers tel ou tel pays d'Europe sans succès. Les deux camarades que nous avons ici, et vous, madame, sont le réconfort d'esprit comme les nôtres, comme nous sommes pour eux. Eux se disent, heureusement qu'il y a des Français comme nous, et nous nous disons, heureusement qu'il y a des Russes comme eux. Il est arrivé un moment où on se demandait de quel côté se trouvait la possibilité de l'action. La guerre est une chose qui plonge les êtres qui ont à en connaître à leurs extrémités. Et à ces extrémités, souvent, beaucoup craquent. Tel fut le cas du camarade Sergueï Udaltsov, avec qui nous avions une relation suivie. Et cela, c'est ce qui résiste. Quand on est tout seul, quand on ne sait pas où on va. Lui, Andrei, a été arrêté par le FSB et a une chance absolue d'être devant nous, juste parce que le FSB n'a pas réussi à joindre le FSB de sa ville pour savoir qui il était. Et depuis, son portrait est attendu dans tous les, dans toute la Russie pour essayer de le rattraper. Trop tard, il est ici. Sakhnine est celui qui savait que son message serait diffusé dans une campagne électorale en France et nous a permis de faire savoir que l'idée que l'issue se trouvait dans la résistance du peuple russe, exactement comme l'issue à la Grande Guerre de 14 s'est trouvée dans la résistance du peuple russe et dans sa capacité à imaginer un autre futur, est concrétisée par leur présence. Ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés à l'aéroport des pauvres, Paris-Beauvais. Ça s'appelle comme ça. Et les voici, après toutes ces pérégrinations, au milieu de nous. Le mouvement des insoumis et les trotskistes du POI prennent en charge leur présence en France. Ce sera bientôt à nous de l'assumer complètement. Pour l'instant, nos camarades sont accueillis. Je suis sûr que tous vous avez... Ils sont socialistes, ils se décrivent comme ça. Ils sont les bienvenus parmi nous. Une fois n'est pas coutume, vous ne m'entendrez pas souvent dire ça. Puisque je suis devant vous tous, je veux remercier le président Macron pour nous avoir aidés d'un bout à l'autre à faire en sorte que l'administration des Français prenne en charge leur sortie. C'est un beau sujet de fierté pour nous Français que de savoir que nos ambassades sont capables de se mobiliser pour des réfugiés politiques dont ils savent très bien qu'ils sont de notre bord, à nous les opposants. Mais ça c'est fait, et voilà. Ils sont les deux à la tête de réseau. Et la lutte va continuer pour eux. Bien sûr, ils le feront dans les conditions particulières de l'asile politique qui interdit les oppositions politiques publiques. Mais pour eux, la bataille continue. Et je peux dire en votre nom à tous que nous sommes engagés à leur côté. Voilà, c'est le moment de donner la parole à Alexei et à ses camarades. C'est une joie immense de les avoir au milieu de nous, sans les souffrir. Jean-Luc сказал, что у него смешанные чувства, и они как-то взболтаны, он встревожен. Вы, наверное, можете представить, что мы тоже очень встревожены. Jean-Luc a parlé de ses différentes émotions au début de son discours, et vous pouvez imaginer que nous aussi, nous sommes traversés de beaucoup d'émotions. Мы вчера прилетели в Милан, и самое сильное впечатление, самый большой шок в том, что за те несколько лет, пока мы не были в Европе, ничего не изменилось. Hier, nous étions à Milan, et ce qui a été une très grande surprise pour nous, c'est de nous rendre compte qu'en Europe, rien n'a changé. Люди также ходят по площади, в Миланский собор. Les gens se promènent tranquillement à travers les cathédrales de Milan, à travers les places. Кормят голубей, целуются. Нет войны. La guerre n'existe pas. Я не знаю, если это может пафосно звучит. Je ne sais pas si ça paraît un peu pathétique de dire les choses comme ça. Но в нашей стране сложилась атмосфера, которую вы не можете себе представить. Il règne aujourd'hui dans notre pays une atmosphère que vous ne pouvez absolument pas vous imaginer. У нас давно сложный там авторитарный режим, но cela fait longtemps que nous avons un régime autoritaire. Когда человек едет в метро, он не боится говорить о политике. Во всяком случае, молодой человек от нашего поколения. Mais jusqu'à présent, les jeunes de notre génération n'avaient pas peur d'aller dans le métro et de parler de politique. А последние 8 месяцев боится. Durant depuis ces 8 derniers mois, le simple fait d'aller dans le métro, nous avons peur de parler de politique. Это правда реально страшно. Вот мне в марте Мария Летиция и Арно предложили выступить на предвыборном митинге Меланшон. M'ont fait la proposition que j'apparaisse dans un meeting de Mélenchon. Я был искренне уверен, что это будет мое последнее публичное выступление. J'ai considéré à ce moment-là que ce serait ma dernière apparition publique. Я думаю, что Главный фактор, который нам помог, это... Je pense que le facteur le plus important qui nous a aidés... То, что в России происходит полный хаос. Et вот c'est le fait que en Russie, aujourd'hui, le chaos est total. Et вот это хаотическое, паническое, истерическое состояние, которое я описывал, испытывают Et люди... Ce sentiment de panique, de choses erratiques que j'ai décrites... Испытывают люди в полиции, в спецслужбах, в армии... C'est ce que les gens ressentent partout, dans la police, dans l'armée, etc. Андрей, мой товарищ, mon camarade Андрей, на довольно большую многотысячную аудиторию снимал ролики. Он il... довольно известный блогер в России. Est un blogueur assez connu en Russie et il fait de nombreuses vidéos sur YouTube. Et... Некоторые герои этих роликов это, в общем, убийцы Рамзан Кадыров. Il a fait notamment des vidéos sur Ramzan Kadyrov. Евгений Пригожин. Le Prigojin. Мы каждый раз гадали, когда его посадят. Et en fait, à chaque fois, on avait très peur qu'ils le mettent en prison. В итоге он уехал, наверное, за несколько часов до того, как это произошло. Et finalement, il a quitté la Russie quelques heures avant que ça ne se produise. И вот эти все месяцы мы жили тоже в очень истерическом состоянии. Et durant tous ces derniers mois, nous avons vécu dans un état de quasi-hystérie. И у нас осталось несколько тысяч товарищей. Et il reste chez nous quelques milliers de camarades. Которые нашли в себе силы, смелость вступить в социалистическую коалицию против войны. Qui ont eu le courage de rentrer dans notre coalition de socialistes contre la guerre. И в отличие от нас, по-прежнему боятся каждый день. Et maintenant, à la différence de nous, ils ressentent de la peur tous les jours. Очень важно, чтобы они знали, что они не одни. Il est très important qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Я вот уже рассказывал Жан-Люку, что... J'ai raconté également à Jean-Luc. Среди организаций, которые вошли в нашу коалицию, есть несколько троцкистских групп. Que dans notre coalition de socialistes, il y a également quelques groupes de trotskistes. Которые всегда были критично настроены, ругали Меланшона. Qui étaient très critiques sur Jean-Luc Mélenchon. Но когда они от нас услышали об этой поддержке, et quand ils ont appris le soutien que Jean-Luc nous apportait, с большой гордостью говорили, Меланшон нас поддерживает. Et ils ont dit avec beaucoup d'honneur, on a toujours su que Jean-Luc Mélenchon nous soutient. Ну и не только знаменитые люди. Вот, ну, в Казахстане нас встречали наши единомышленники, левые активисты. А в Казахстане мы встретили des militants de gauche. Без громких имен. Qui ne sont pas connus. Но мы тоже везде встречали солидарность, поддержку. Partout nous avons rencontré de la solidarité, du soutien. У нас говорят чувство локтя. Нас говорят. Чувство локтя, так это называют по-русски. En fait, les gens leur disaient, on vous épaule. Ну, наверное, спасибо вот за это. Я хотел сказать и хотел попросить не уставать испытывать эту солидарность. Она очень нужна людям, которые боятся. Je veux vous remercier très chaleureusement et sachez que cette solidarité que vous nous exprimez est extrêmement importante pour les gens qui ont peur. Которым нужно мужество просто, чтобы прожить обычный день. Cela nous permet simplement de surmonter chaque jour. Добрый вечер, друзья. Bonjour, mes amis. Алексей уже о многом сказал. Алексей, я déjà raconté beaucoup de choses. И я думаю, что информация о том, что мы сейчас находимся в Париже, будет в России сенсационной. Поэтому, если у вас есть СМИ, которые функционируют на территории России, это будет хайпово. La nouvelle du fait que nous sommes maintenant à Paris va faire sensation en Russie. Donc, si vous avez des médias qui ont des correspondants en Russie, sachez que ça va faire sensation. Но я, тем не менее, хотел бы чуть-чуть добавить о том, что мы собираемся делать в дальнейшем, находясь здесь, за границей. Ну, во-первых, мы будем продолжать делать то, что мы делали, и находясь в России. Просто делать это там сейчас стало практически невозможным. On va continuer à faire ce que l'on faisait en Russie. То есть мы будем вести агитацию, пропаганду. On va faire de la propagande, de la politique. Более того, мы будем держать, естественно, связь с нашими товарищами, которые остались в России. Bien sûr, garder le contact avec tous nos camarades qui sont restés en Russie. Настраивать контакты с российской левой эмиграцией, которая. Et on va également créer un contact avec l'émigration russe. И более того, мы надеемся создать нечто вроде нового интернационала. Et surtout, en fait, nous aimerions créer une nouvelle internationale Которая объединил бы левых из разных стран, qui pourrait unifier les gauches de différents pays. Для координации действий на международной арене. Потому что понятно, что сегодняшний кризис – это не просто борьба между Украиной и Россией, la crise США. D'aujourd'hui, ça n'est pas seulement une guerre entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Мы имеем дело с системными мировыми проблемами, которые мы должны решать сообща, и планы их решения генерировать, создавать тоже сообща. Donc on voudrait en fait générer un groupe de réflexion autour de ces questions. И я надеюсь, многое из задуманного у нас получится. Еще раз спасибо депутатам из непокоренной Франции. Et je veux très sincèrement encore une fois remercier les députés de la France insoumise. Очень серьезно помогли. Спасибо. Qui nous ont extrêmement fortement soutenus. Merci. Добрый день. Еще раз хотела бы поблагодарить всех за поддержку. Bonsoir, je voudrais une fois encore remercier tout le monde pour le soutien. Наши, мои товарищи уже много рассказали о том, чего боялись активисты внутри России. Mes camarades ont déjà beaucoup parlé de la peur que ressentent nos camarades en Russie. Также они сказали о наших планах, но... Ils ont parlé de, des projets que nous avons. Наверное, мы прежде всего забыли сказать... Mais peut-être que nous avons en fait avant tout oublié de dire... О российском народе, который боится ежедневно, наверное, еще больше, чем рядовые и статусные активисты различных организаций. Nous avons oublié de parler du peuple russe qui tous les jours vit dans la peur et peut-être plus que les militants. Сегодня мы понимаем, что многие в России боятся войны и вынуждены ее молчаливо поддерживать только потому, что они рискуют своими жизнями. Beaucoup aujourd'hui en Russie ont peur de la guerre et s'ils ne disent rien, c'est parce qu'ils ont peur pour leur vie. Даже те, кто еще недавно был готов поддерживать Путина и его решения. Même ceux qui il y a encore peu étaient prêts à soutenir Poutine et son régime. Понимают, что не могут расплачиваться за его амбиции своими жизнями. Comprennent qu'ils ne peuvent pas payer de leur vie l'ambition de Poutine. Мы знаем, что многие, может быть, не многие, но есть те, кто воспринимает русский народ как врага и чудовище, в том числе здесь, в Европе. Nous savons que certains considèrent que le peuple russe est monstrueux ou est un ennemi. Одновременно с этим внутри России многие тоже думают, что за границами находится чудовище, которое хочет их уничтожить. Mais en même temps, en Russie, à l'intérieur de la Russie également, il y a des gens qui considèrent que toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Russie veulent les exterminer. Это заставляет всех нас быть разобщенными, одинокими перед лицом угроз войны. Et cela nous laisse tous seuls, démunis, isolés devant la menace de la guerre. Именно поэтому сегодня то, что вы встречаете нас здесь, очень важно не только для нас, но в том числе для народа России, который остается и не может выехать в Европу и в любые другие страны. C'est pourquoi c'est très important que vous puissiez nous rencontrer ce soir. C'est très important pour ce peuple russe qui n'a pas la possibilité de venir en Europe. Наша работа, наша совместная работа с вами может помочь сформировать некую альтернативу для людей, оставшихся в России. Notre travail avec vous, ça pourrait être de créer une alternative pour ces gens qui sont restés en Russie, créer une issue. И лишить их трудности выбора быть за Путина и войну, либо просто молчаливо ждать своей участи, когда они окажутся на фронте и будут убиты и вынуждены убивать. Tous ces gens qui vont être obligés d'être envoyés au front, qui soit vont devoir tirer ou vont être même tués. Поэтому я думаю, что все, что сказали мои товарищи, вся наша работа, она должна быть направлена именно на то, чтобы народ, который до этого времени и сейчас остается без голоса и без права выбора, наконец-то обрел свой голос и возможность выбора. C'est pourquoi tout le travail que nous devons faire avec nos camarades, mes camarades qui viennent de Paris, c'est de permettre à tout ce peuple qui est resté en Russie et qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas voter, c'est de permettre d'avoir une voix. Это также важно не только для российского народа, но и в том числе для всех народов в Европе. C'est important à la fois pour le peuple russe, mais également pour tous les peuples en Europe. Потому что мы понимаем, что сегодняшний кризис в Украине и в России, он грозит распадом всего мира. Parce que nous comprenons que la guerre qui a lieu en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui menace tous les pays d'Europe. Спасибо вам еще раз за поддержку и надеемся, что мы будем продолжать работать вместе. Merci à vous encore une fois pour le soutien et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ça peut être des questions des journalistes ou par ailleurs des interventions des députés. Si, est-ce que les journalistes déjà ont des questions? Oui, oui. Bon, bonjour Frédéric Delpech pour LCI TF1. D'abord, une première question. Qu'est-ce que... Allez-y doucement, juste parce qu'ils doivent traduire à chaque fois. Oui, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous comptez rester en France? Qu'est-ce que... voilà, quel est votre projet à court terme? Et puis des questions concernant le régime russe. Il semble que Vladimir Poutine connaisse des difficultés administratives, c'est l'expression utilisée dans son armée. Est-ce que pour vous, le président russe, aujourd'hui, commence à entendre davantage l'opinion publique russe? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que vous sentez des failles, notamment dans le soutien ou non à l'annexion de territoires sur le sol ukrainien, je veux dire de failles à l'intérieur de la Russie? Et comment vous voyez évoluer la situation aujourd'hui? Сразу хочется говорить 3 часа в ответ на ваш вопрос. Хочется говорить 3 часа, слишком много, что нужно сказать. En fait, suite à vos questions, je voudrais parler pendant 3 heures. Когда-то Карл Маркс, вот он описывал, критиковал, он там описывал Османскую империю, и он написал, что она выглядит такой страшной деспотией, в которой правитель может сделать все, что угодно. Когда Карл Маркс décrivait l'Empire, il décrivait une sorte de monstre terrible. На самом деле это конфедерация дурно управляемых республик, по словам. Конфедерация плохо управляемых республик. Вот Россия Владимира Путина очень похожа на Османскую империю XIX века. Турецкую, на Турцию. Окей. Alors, en fait, la Russie de Poutine ressemble beaucoup à l'Empire ottoman. Вот смотрите, что сейчас пытается сделать Владимир Путин. Écoutez ce que Владимир Путин essaye de faire en ce moment. Они разверстали, они поручили собирать новые военные части, мобилизовывать réservistes. Donc là, ils ont lancé la mobilisation des réservistes. Gouverneurs на местах. Et les gouverneurs qui sont dans les régions, localement. Эти губернаторы на местах финансируют эти части. Et donc, ce sont les gouverneurs locaux dans les régions qui doivent financer ces réservistes, en fait. Отвечают за их экипировку. C'est eux qui doivent payer leurs équipements. И даже за снабжение. Даже... За снабжение продуктами, оружием. Tout le ravitaillement des réservistes. C'est eux, ce sont les gouverneurs locaux qui doivent financer tout ça. Те региональные элиты и их сатрапы на местах, они по-прежнему делают ритуальные заявления о верности Путину. Но сейчас, помимо бесконтрольной коррупции, помимо огромных финансовых ресурсов, они получили в свое распоряжение военную силу. Donc les gouverneurs ont le contrôle du ravitaillement de ces troupes. Это прямой шаг к распаду страны. C'est le fait d'avoir donné au gouverneur son contrôle, c'est un premier pas vers l'effondrement du pays. Этот переход от монолитной диктатуры к хаосу. C'est en fait un passage de la dictature totale au chaos. Может быть очень резкий. Один момент. Он может произойти одномоментно. Ça peut être en fait extrêmement risqué. Вы спрашиваете, видим ли мы расколы? Да, мы видим очень много расколов. Vous nous avez demandé si nous voyons une brèche. Oui, nous voyons une brèche. Мы видим их на каждом уровне. Nous la voyons à tous les niveaux. На уровне администрации, вот я сейчас сказал. Au niveau de l'administration. Или, например, par exemple, самые боеспособные формирования создаются частной военной компанией Вагнера. Частной... Private military organization. Вы говорите вместе? Самые боеспособные подразделения российской армии. L'armée la plus efficace russe. Создаются частной коммерческой организацией. Deviennent en fait une organisation commerciale. Фактически частная армия. Au final, la Poutine, l'armée la plus efficace qu'il a aujourd'hui, c'est une armée privée. И это очень опасно. Et c'est très dangereux. Потому что Путин и его окружение. Parce que Poutine et son entourage. Это, может, не всегда рациональные, но торгаши. Ça, c'est peut-être pas très rationnel. Они рассчитывают договориться. Mais ils comptent faire un accord. А вот те, кто сейчас за них держит оружие, это убежденные фашисты. Et donc ceux qui aujourd'hui tiennent les armes, ce sont des fascistes convaincus. Это те, у кого нет выбора и кто будет воевать до конца. C'est ceux qui n'ont aucun doute qu'il faut aller se battre jusqu'au bout. На Западе и русская либеральная оппозиция все время обсуждает раскол в верхах, раскол правящего класса. En fait, en Occident, on a toujours l'impression qu'il y a des brèches au niveau du pouvoir, du sommet. И такой раскол происходит. Но... En fait, cette brèche, elle a lieu. Но на смену Путину могут прийти настоящие ястребы. Ястребы? Ястребы, радикалы. Et en fait, là, quelqu'un, enfin, Poutine pourrait être remplacé par quelqu'un de vraiment radical. Это вызовет обрушение институтов, государства. Это вызовет коллапс государства, коллапс институтов. Cela, en fait, entraînerait l'effondrement des institutions. И единственное, что можно этому противопоставить... Et la seule chose que nous pouvons faire pour nous opposer... Это попытаться организовать полностью дезорганизованное, атомизированное большинство народа снизу. C'est d'organiser la base à partir d'en bas pour résister. А с этим дело обстоит очень плохо. Mais faire cela, c'est très compliqué. Десятилетиями путинский режим, ça fait, donc, le régime poutinien, выстраивал политическую конструкцию в России с помощью либеральной оппозиции. Ne permet pas du tout une opposition libérale. Которая пугала рабочий класс, бедное большинство страны, иногда больше, чем коррумпированное правительство. Mm. En fait, le pouvoir poutinien a permis une sorte d'opposition libérale qui fait très peur à la classe moyenne. Люди внизу после хаоса 90-х Les gens du bas, les gens du simple peuple, après le chaos des années 90, предпочитали молча сохранить лояльность или даже участвовать в ритуалах этой власти. Ont eu l'impression qu'ils devaient assumer une loyauté vis-à-vis de ce pouvoir. Но никогда не выступать. Mais ne jamais agir, ne jamais intervenir. Ведь их единственный опыт участия в политической жизни своей страны закончился катастрофой. Parce que la seule tentative politique dans leur pays s'est terminée en catastrophe. Вот преодолеть этот травматический опыт. Et pour surmonter cette expérience traumatisante. Участвовать в этом процессе, в этом мы видим свою главную задачу. Nous pensons qu'il faut rentrer dans un autre processus et c'est ça que nous voulons essayer de faire avec le peuple russe. Ну и вот в финале про наши планы. Да, наверное. Наверное, мы хотим остаться здесь. Probablement nous voulons, nous allons rester ici. У нас пока туристическая виза на 3 месяца. Pour le moment, on a un visa touristique de 3 mois. Но мы не собираемся заниматься туризмом. Mais on ne s'apprête pas à faire du tourisme. Здесь у нас больше всего товарищей. Ici, on a surtout des camarades. И как вот говорил Андрей, мы видим, что Et comme le disait André, nous voyons, даже на словах сформулировать дорожную карту мира, как может выглядеть мир без войны. Nous essayons de voir à quoi pourrait ressembler la carte du monde sans la guerre. Можно только на глобальном уровне. On peut voir cela uniquement à un niveau global. Очевидно, что Россия должна радикально измениться. Il est évident que la Russie doit changer de façon radicale. Иногда менее очевидно, что мир тоже должен очень сильно и быстро меняться, чтобы избежать катастроф. On a aussi l'impression que le monde doit vite changer avant d'arriver à la catastrophe. Поэтому важная часть нашего плана, наших предложений. C'est pour ça que la partie importante de notre projet. Что вот этот народный голос, вот этот народный фронт, он должен существовать не только в России, он должен существовать по всему миру. C'est que cette voix du peuple russe, ce front du peuple russe, il ne doit pas exister que en Russie, il doit exister partout. Allez-y, normalement, vous pouvez appuyer sur le micro. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Qu'est-ce que vous auriez à dire au peuple russe, au peuple ukrainien, pardon? На самом деле, я много обращался к украинскому народу за эти 8 месяцев. Durant ces derniers mois, je me suis beaucoup adressé de fait au peuple ukrainien. И главная мысль социалистов, левых, которая может быть обращена к украинцам от русских. Et la voix des personnes de gauche qui s'adressent aux Ukrainiens состоит в том, что трудящемуся большинству России и Украины c'est que la classe ouvrière russe et ukrainienne Нам нечего делить. Mm-hmm. Нам нечего делить. Наши главные враги – это наши власти. Que les classes ouvrières et ukrainiennes sont liées. И именно поэтому необходимо единение именно трудящегося большинства России и Украины. C'est pour ça qu'il faut une union entre les classes ouvrières russes et ukrainiennes. Против буржуазных властей. Contre les pouvoirs bourgeois. В политике которых и есть корень всех бед, в том числе и войн. Dans laquelle, dans ces politiques, dans les politiques de ces pouvoirs bourgeois, il y a beaucoup de malheurs et particulièrement la guerre. И, конечно, каждый украинец должен понимать. Et bien sûr, chaque Ukrainien doit comprendre что не все русские хотят их смерти. Que tous tous les Russes ne veulent pas leur mort. Русские разные, как и украинцы. Les Russes sont divers, comme les Ukrainiens. Все. C'est tout. Oui, je rappelle que c'est pas un jeu, hein. D'accord. Donc nos amis sont tenus à une certaine réserve dans leur expression. Donc je recommande à chacun que les questions qui leur sont posées ne viennent pas à leur nuire. Bonjour. Perrin Basque pour BFM TV. J'ai une question concernant les sanctions qu'a imposées l'Europe à la Russie. Nous, ici, la vie en France, la vie en Europe est devenue plus chère. On s'interroge de ce côté-ci de l'Europe, à savoir les conséquences des sanctions économiques qui ont lieu en Russie et si elles se ressentent. Est-ce que le peuple russe ressent ces restrictions économiques infligées au régime de Vladimir Poutine, et si oui, comment se ressent-elle? Merci. Да, разрешите, я отвечу на этот вопрос. Да, конечно, российский народ чувствует последствия санкций. Bien sûr, le peuple russe ressent les conséquences des sanctions. Представители власти заявляют, что санкции. Les représentants du pouvoir déclarent. Что санкции помогают России. Que les sanctions aident la Russie. Нет, смею верить, что это не так. Mais bien sûr, ce n'est pas ça qui se passe. Естественно, это очень мощный удар по российской промышленности, в том числе и добывающей. C'est un très gros coup porté sur l'industrie russe. По российской культурной жизни. Pour la vie culturelle russe également. Ну и в целом по быту россиян. У нас нет Spotify. Et donc, par exemple, nous n'avons plus Spotify. И, конечно же, жизнь в России удорожается ввиду санкций. Такой Et bien sûr, la vie russe a augmenté en raison des sanctions. То есть последствия пожинают все. Причем я хотел заметить один момент. Alors, je voudrais parler d'une chose en particulier, un moment. Санкции сильнее всего ударили по оппозиции режиму Путина. Les sanctions ont touché les médias d'opposition. Те же самые оппозиционные видеоблоги на Ютубе. Tout ce qui était les blogs sur YouTube d'opposition. Чаще всего финансировались из монетизации. Donc était financé. Monetization. Par la monétisation. В то время как государственные получали и получают государственное финансирование. Pendant que le gouvernement reçoit un financement. А когда монетизацию отключили, это снова ударило. Quand ils ont arrêté la monétisation. Когда монетизацию отключили, это стало ударом по оппозиционным СМИ. Quand ils ont arrêté la monétisation, ça a été un coup porté aux médias d'opposition. А в то время как государственные продолжали работать в прежнем режиме. Pendant que le gouvernement continuait à faire son régime. Так что, видите, санкции имеют порой очень непредсказуемые последствия для России. Donc les sanctions peuvent avoir des conséquences extrêmement imprévisibles. Да, да. Товарищи еще хотели добавить пару слов. Donc mes camarades voulaient aussi ajouter quelque chose sur ça. Ну, я хотела бы добавить еще немного о том, как санкции сказались на все-таки жизни простых людей в России. Je voulais intervenir sur combien les sanctions ont eu des conséquences sur les gens, les simples, la vie des simples gens en Russie. Дело в том, что промышленность, производство, заводы, donc tout ce qui est l'industrie, les usines, В 90-е годы в России были практически разрушены, ont été pratiquement intégralement détruites dans les années 90 en Russie. И в некоторых городах рабочие места предоставляли только западные компании, например, западный автопром, автомобильная промышленность. Западные автомобильные заводы предоставляли рабочие места, были единственными работодателями в регионах. Dans certaines villes, les compagnies européennes были единственными работодателями. Étaient les seuls employeurs. Donc il y avait des villes où les seuls employeurs étaient des compagnies européennes. И с весны этого года, когда эти предприятия были закрыты, et quand avec le début de la guerre, toutes ces entreprises et ces compagnies ont été fermées. Многие люди в своих регионах оказались практически без работы. Il y a énormément de personnes dans ces régions qui se sont retrouvées sans travail. Будут ли возвращены их рабочие места на этих же заводах или est-ce qu'ils retrouveront un jour du travail dans ces usines, dans ces entreprises? Или администрации регионов смогут сформировать какие-то новые рабочие места, неизвестно. On ne peut pas le savoir en fait. Ils ont juste perdu leur travail. Но очевидно, что санкции, введенные против Mais il est évident que les sanctions qui sont portées против России как государства, contre la Russie comme gouvernement, прежде всего заставляют расплачиваться за политику властей простой народ, то есть страдают люди, которые ont des conséquences avant tout sur les simple peuple. Люди, которые не имели отношения к принятию политических решений. Les gens, en fait, sur les gens qui n'ont aucune responsabilité dans la prise de décision du gouvernement. Я хотел одну фразу добавить. Je voulais ajouter une phrase. Одну фразу. Конечно, уровень жизни в России упал не катастрофически, а может на 10%. Le niveau de vie en Russie s'est effondré de 10%. Но представьте себе, что у вас убило соседа на войне или в армию забрали вашего брата. Mais imaginez que on prend vos fils pour aller tuer à la guerre. Или вы боитесь ходить на работу, потому что повестки в армию раздают на входе на предприятие. Vous avez tout simplement peur d'aller au travail parce que c'est votre employeur qui est chargé de vous distribuer les convocations à la guerre. Вам по-прежнему еще больше не хватает денег на продукты, но думаете вы уже о другом. И это отличает атмосферу, которая сложилась в России. Mais en fait, vous n'avez que ça en tête. Le moment où vous allez être convoqué pour la guerre. Et c'est ça qui est l'atmosphère aujourd'hui en Russie. Merci beaucoup. Je propose que comme la délégation vient d'arriver aujourd'hui, qu'on arrête pour aujourd'hui, il y aura d'autres occasions d'échanger. Remercier évidemment infiniment du groupe l'énorme boulot qu'a fait Arnaud Legarre. Thank you. Alors, Monsieur Jacquard, vous avez suivi tout ce que l'on a montré jusqu'à maintenant, là, dans Antenne de Midi, à propos de ce dossier de la démographie. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que l'espèce humaine est menacée ? Oui, elle est menacée, bien sûr. Elle est menacée par ce que l'on vient de voir, son étouffement par son propre nombre. Mais ça, c'est un danger à long terme, et c'est un danger qui, au fond, s'est écarté. On le sentait beaucoup plus grave il y a quelques années que maintenant. Mais symétriquement, et c'est ça qui peut sembler paradoxal, il y a un danger bien plus menaçant, bien plus immédiat, c'est sa disparition dans les heures qui viennent. C'est cela qu'il faut voir. C'est qu'en fait, nous sommes un peu comme Jean le Bon à Poitiers, il faut nous garder à gauche et à droite, nous garder de l'excès du nombre des hommes, mais nous garder aussi du risque actuel, que le nombre des hommes tombe à zéro. Et ça, on le sait depuis peu. Il se trouve que savants américains comme savants russes sont d'accord. Si un conflit nucléaire éclatait, le vainqueur ne jouirait de sa victoire que pendant 15 jours au maximum. Et après, il y aurait ce qu'on appelle un hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, c'est un changement total du climat sur au moins tout l'hémisphère nord et peut-être sur toute la planète, qui ferait que tous les hommes, tous les mammifères, et peut-être tous les animaux, et peut-être tous les êtres vivants disparaîtraient. Oui, mais c'est pourquoi c'est ça contre lequel il faut d'abord lutter, c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et puis ensuite, à long terme, se dire si on parvient à écarter ce suicide stupide qui ferait tout disparaître de cette magnifique réussite qu'est l'homme, alors si on y parvient, il faut s'arranger pour vivre un peu mieux, de façon un peu moins scandaleuse, sur notre vaisseau spatial. Nous le savons bien maintenant, notre Terre, nous ne la quitterons pas. Nous sommes 4 milliards, nous étions 250 millions au temps de Jésus-Christ, 1 milliard au temps de Napoléon, quand je suis né, 2 milliards, quand mes enfants sont nés, 3 milliards, quand mes petits-enfants naissent, plus de 4 milliards, quand je mourrai, 6 milliards, et un jour 10. Ça, c'est une explosion qui ne doit pas être considérée comme une catastrophe, comme une réalité, simplement. Et cette réalité, eh bien, il faut faire avec, et je crois que l'on peut faire avec, si on regarde les choses en face, et en particulier si on regarde combien il serait finalement pas tellement difficile d'écarter le scandale de gens trop riches face à des gens qui meurent. Monsieur Jacquard, justement, est-ce que ça n'est pas l'un des problèmes ? On nous parle de la disparition de l'homme blanc. Alors d'abord, est-ce que l'homme blanc existe ? Est-ce qu'il y a une race blanche ? Et deuxièmement, est-ce que c'est l'espèce humaine qui est menacée ? Ou j'allais dire l'homme occidental de haut revenu ? L'homme blanc, qu'est-ce que ça signifie ? On entend parler des hommes qui ont le groupe sanguin B, j'en suis, mais on en trouve sur toute la Terre, ou les hommes qui ont le rhésus plus, ou le rhésus moins, ou la peau de tel, peu importe, la notion d'homme blanc n'a pas de sens. Il y a une notion qui nous permet de nous caractériser, c'est sans doute la culture que nous avons, notre façon de regarder le monde. Mais pour autant, ce qu'il faut, c'est préserver les cultures, quelles qu'elles soient, la nôtre en particulier, bien sûr, mais aussi regarder avec plus d'ouverture et sentir plus de richesse dans les cultures des autres. Alors, la disparition de l'homme blanc, ça me fait simplement sourire parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un homme blanc. Ce que je n'aimerais pas, c'est que ce que représente le christianisme disparaisse, ou ce que représente le bouddhisme, ou ce que représente l'islam. Ça serait une grave perte pour l'humanité. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Pas du tout en nous catégorisant d'après la couleur de notre peau, qui est une caractéristique finalement très, très provisoire. Vous savez, nos ancêtres, il y a 20 000 ans, était noir. Monsieur Jacquard, que pensez-vous de la politique menée par certains pays comme la Chine qui oblige leurs ressortissants, leurs habitants à des stérilisations forcées quelquefois pour éviter justement une surpopulation ? C'est une bonne politique ? Mais c'est une politique nécessaire pour eux. Ils n'ont pas le choix. Voilà un pays qui atteint actuellement 1 milliard d'hommes et avec les mœurs qu'ils avaient autrefois où il fallait avoir 5-6 enfants pour en garder 2, eh bien si on continue maintenant que quand on en a 5 ou 6, on en garde la presque totalité, eh bien, évidemment, on a une explosion qui est insupportable. Monsieur Jacquard, oui, mais il y a une question démographique qui se pose. Il n'y a plus qu'un enfant par famille en Chine. Il va y avoir énormément de personnes âgées. Autre problème. Bien sûr, mais le passage d'un équilibre à un autre est nécessairement extrêmement douloureux. Mais pour les Chinois, et bientôt pour l'Inde, il n'y a pas de choix. Il se trouve que ce que nous avons fait, nous, en quelques siècles, ils sont obligés de le faire en quelques décennies. Alors, ça va leur poser des problèmes, mais s'ils laissaient la natalité dans l'état où elle était il y a 30 ans, eh bien, naturellement, ça aboutirait à une catastrophe locale. Monsieur ils sont Jacquard, bien obligés de faire ça. Monsieur Jacquard, pour conclure, est-ce que des hommes comme vous, des savants de par le monde, peuvent influer sur les gouvernements pour, justement, mettre fin à ces déséquilibres qui menacent l'homme ? Ce qu'il faut, c'est influer non pas seulement sur les gouvernements, mais sur la prise de conscience de tous les peuples. C'est la réalité qu'il faut regarder en face. Ce que le scientifique peut apporter, ça n'est pas de l'efficacité, c'est de la lucidité. La lucidité, c'est de voir quels sont les dangers qui nous menacent, dangers immédiats, dangers à long terme, et les regardant bien en face, on peut penser que les solutions viendront, mais d'abord, regarder les choses avec lucidité. Monsieur Jacquard, nous vous remercions. Vous participiez à Antenne de Midi à propos du dossier sur la démographie et vous étiez en direct de Besançon. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Alors, revenons à la question initiale. Pourquoi ne fait-on rien ? On pourrait donner une réponse ultra-rationnelle. 1. Car l'implacable constat n'est pas encore compris de tous. 2. Car les pouvoirs publics donnent l'illusion d'une transition qui en réalité n'existe pas. 3. Car les médias, certains médias, s'enlisent dans la bêtise inertielle. 4. Car il est plus confortable de s'enfermer dans la négation. 5. Car les processus psychologiques usuels ne fonctionnent pas dans le cas qui nous importe. 6. Car les échelles de temps des problèmes écologiques ne coïncident pas avec le calendrier politique. 7. Car nous avons développé des dépendances qui, maintenant, échappent à notre contrôle. Je crois que tout ça est vrai. Et on pourrait lister les moyens d'en sortir avec la même rationalité. Et on échouerait, parce que figurez-vous que ça a déjà été fait et que nous en sommes là. Donc il me semble qu'aujourd'hui, il faut se demander, se demander en tout cas, pourquoi on ne fait rien, c'est finalement supposer qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Ou en tout cas qu'il faudrait faire quelque chose, ce que j'évoquais en introduction. Alors si on entend par là que continuer à l'identique est impossible sur le moyen terme pour des raisons physiques et biologiques, et que de toute façon ce n'est pas souhaitable pour des raisons éthiques très largement partagées, on est évidemment tous d'accord avec ça. Très bien. Mais si on suggère néanmoins qu'il est temps de passer au concret et de dégager des budgets, je ne suis pas certain que ce soit juste. Parce que c'est précisément enfermer la question qui nous intéresse dans les catégories qui président au monde mourant dans lequel nous nous trouvons. Alors, moi je propose qu'on fasse preuve d'un peu de modestie, d'un peu d'humilité, qu'on regarde ailleurs. Baisser notre bilan carbone n'a aucun intérêt tant que notre système symbolique, sémiotique, axiologique et ontologique demeure ce qu'il est. Ontologique, c'est-à-dire relatif à l'être en tant qu'être. Et j'insiste sur ce dernier terme. Parce que c'est un peu la définition du réel. Tout le reste en découle. Et c'est là qu'il faut travailler. Comment ? Je ne sais pas. Et je voudrais dire qu'en tant qu'homme occidental, physicien, riche à l'échelle de la planète, je suis, comme vous tous ici, un des moins bien placés pour donner des leçons. Il faut bien comprendre ça. Face à la catastrophe que nous traversons, nous ne sommes pas l'élite. Nous, les ingénieurs et les chercheurs, nous sommes les délinquants, nous sommes les ignorants, nous sommes le problème. Ça ne signifie pas que nos compétences ne valent rien, mais il faut savoir les faire dérailler. Dans mon champ, en physique théorique, je pense que l'urgence, ça n'est pas qu'on se reconvertisse tous en géotrouve-tout de l'ingénierie propre. Je crois que c'est plutôt d'inventer des nouveaux concepts, des êtres nouveaux, comme dit Bruno Latour, qui révolutionne notre rapport au réel. On peut s'y astreindre en ne s'autorisant à penser que dans la mesure où nous déconstruisons l'ordre établi. Le succès n'est jamais assuré, mais au moins, on évite l'échec certain. Au-delà de la physique, où regarder ? Partout, mais surtout là où on ne l'attend pas. Même le terme d'écologie est problématique. Il n'y a pas de question écologique. Vous savez que oikos, en grec, c'est la demeure, c'est le patrimoine. Logos, c'est pire encore, hein, c'est la raison, le discours, la parole. Est-ce qu'on veut vraiment de ça, d'un discours sur les biens ? Parce que c'est ce que signifie écologie, finalement. La métaphysique occidentale, vous savez, c'est un peu comme le pharmacon de Platon. C'est un remède, et c'est un poison. Logos, c'est le Graal, et c'est la boîte de Pandore. Tout devenir est chaotique, instable, inécrit. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Logos, c'est l'ennemi. C'est l'agent pathogène qui infecte une pensée sans anticorps. Logos, c'est le soleil. Et en un temps de canicule comme aujourd'hui, le soleil est dangereux. Il brûle et il efface les nuances. L'écologie, c'est une construction fondamentalement ancrée sur les couples binaires, nature, culture, présence, absence, homme, femme, raison, passion, tout ce dont il faut se défaire. Hegel, Husserl, Heidegger, aimaient à rappeler que la philosophie parlait grec. Comme si quelque chose était né comme ça à Athènes il y a 25 siècles, ex nihilo. Et pourtant, 2000 ans avant le premier pré-socratique, vous savez que l'Égypte inventait la maat et logos, de se trouver tout chétif, presque dérisoire ou étriqué devant ce qui signifiait autant la justesse que l'équité, l'équilibre, la droiture, la loi, le bien et la rectitude. Maat, c'est le nom sans nom du socle de cette civilisation plus pérenne que toute autre, pour laquelle, en 2 siècles de fouilles ininterrompues, nous n'avons trouvé ni la moindre potence, ni la moindre prison. Je sais que vous ne pouvez pas vous départir de l'interrogation, mais en pratique, on fait quoi pour que ça bouge ? Eh bien, ça n'a pas besoin de bouger. il y a 50 ans, pendant que le génie des mathématiques Alexander Grothendieck invitait à cesser la recherche scientifique telle qu'elle se pratique, GB écrivait « On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste ». C'est un bon début. Et ensuite, on inverse le rapport de paternalisme avec lequel on scrute généralement les pays non alignés. On essaye d'apprendre des autres. On comprend que le même monde, appréhendé par des prismes différents, n'est plus tout à fait le même monde. Ce ne sont pas que différentes interprétations, ce sont différentes versions coextensives, dirait Nelson Goodman. Regardez la Caraïbe. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Regardez les extraordinaires modalités de résistance des peuples réduits en esclavage. Doucement, méthodiquement, dans une logique de multivers intérieur. C'est autre chose que la grosse bouse de Facebook. Hein. Vivre en mode mineur, sur une ligne de fuite, une ligne de fugue, en pirate du nomos, en cosmopoète du sensible, dirait Denethem Tuambona. Les passeurs, dans leurs conditions d'humanimaux, n'abolissaient pas les frontières, comme dans la globalisation techno-nihiliste de notre société de surveillance. Ils les transgressent en ouvrant cosmos au chaos. Ce ne sont pas des grands sages, comme voudrait le croire la mystique occidentale. Ce sont les maîtres du désordre qui préviennent contre l'asphyxie du monde. Toute la cosmopolitique indigène repose sur un réseau hétérogène de liens entre vivants humains et non humains. L'expérience initiatique de l'existence ne peut que reposer sur une intuition poétique. N'imaginez pas une seconde que je suis là en train de faire l'éloge d'une sorte de délire New Age. C'est exactement l'inverse. Là, les trois dernières minutes, j'ai enfin parlé de choses sérieuses. J'ai employé le mot poétique. Et si j'osais un conseil pour bientôt conclure, je vais dépasser de 5 minutes, mais comme j'ai dit qu'il fallait être voyou, je suis cohérent, ce serait celui-là. Être voyou, mais être voyou poète. Ça ne veut pas du tout dire s'allonger près de la rivière et regarder les fleurs. Hein. C'est pas ça du tout. Le poète, c'est celui qui connaît la précision, qui manie la rigueur mieux que quiconque, mais qui s'astreint aussi toujours à chaque phrase à tout réinventer. Ce ne sont pas des idées ou des images désuètes. La poésie, disait Mandelstam, c'est le meurtre. La poésie, disait Hölderlin, c'est le calcul. Et quand on sait que la voie mène en enfer, moi je crois que le déraillement, c'est le nécessaire. Finalement, je pense que ces questions, qui vous paraissent peut-être un peu hors champ là d'un seul coup, sont beaucoup plus légitimes et concrètes que les histoires de fiscalité vertueuse, de croissance durable et ce genre de plaisanterie. Pourquoi s'évertuer à continuer à cheminer en un sens aberrant, en tentant d'amoindrir les externalités négatives parce qu'on est tous sympas, alors qu'il suffirait de quitter l'autoroute et de partir dans une autre direction? Et en fait, c'est un peu pire que cela. Parce que si vous réfléchissez vraiment, de façon pointilleuse et rigoureuse, la conclusion est assez inévitable et angoissante. Sans abandonner l'ensemble de notre architecture sociétale, nul décalage, nul décadrage, nulle transition, nulle évolution, ni même révolution ne sera suffisante. Et au fond de nous, on le sait très bien. Il y a une incompatibilité structurelle entre la vie et le monstre qu'on nourrit aujourd'hui. Ziegler écrivait « Aucun des systèmes d'oppression précédents, l'esclavage, le colonialisme, la féodalité, n'a pu être réformé. L'oppression ne se réforme pas, elle s'abat. » C'est terrible, c'est assez violent, mais je crois que c'est vrai. Ne plus travailler, au sens capitaliste, dit Grégoire Poissonnier, sur les pas d'ailleurs de certains activistes, ce serait en fait le geste le plus rationnel et le plus pertinent pour effondrer un système qui est intrinsèquement tératologique. Promis, j'ai presque fini. Jean-Marc donne souvent de très bonnes définitions de l'énergie, qui sont très, très pratiques aux néophytes. Bon, je ne vais pas vous donner la mienne, hein, parce que pour moi, en tant que physicien théoricien, c'est simplement le terme conservé eu égard au fait que la dérivée partielle du Lagrangien par rapport au temps est nulle. Voilà. Mais j'avoue que c'est un peu plus simple, donc c'est qu'une version du théorème de Noether, quoi. Mais c'est un peu plus simple, c'est vrai, de la penser comme une capacité d'action sur notre environnement, une capacité de modification. Mais alors posons-nous une question simple. À quoi bon modifier aussi drastiquement notre environnement quand celui-ci est pour l'essentiel exactement adapté à nos besoins? Pas pour des raisons mystiques, mais tout simplement parce que l'évolution darwinienne nous a modelés pour qu'il en soit ainsi. Vous vous demandez sans doute essentiellement, les shifters, comment être ingénieur autrement. Sincèrement, c'est très bien, je crois. Vous êtes des amis et des alliés. Et j'admire beaucoup ce courage. Mais je crois vraiment que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut se demander, c'est s'il convient de demeurer ingénieur. Non pas qu'il faille éradiquer tout à fait tous les ingénieurs, hein, restons raisonnables, Mais se poser la question quand même, veut-on d'une civilisation d'ingénieurs? Veut-on d'une planète artificielle? En ancien français, ingénieur, ça signifie constructeur de machines de guerre. Parfois, les mots parlent pour nous. Jouer un bon coup, dans un jeu où les règles font que de toute façon on perd à la fin, c'est plus tellement intéressant, je crois qu'il faut refuser la partie, ou alors il faut tricher. Comment on fait? Avec une logique fractale, à toutes les échelles et avec tous nos moyens, en gardant en tête une seule ligne directrice, non pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais une porosité inconditionnelle à toute déconstruction latente. N'en déplaise à certains, et je le dis une dernière fois, j'ai pas mal radoté, l'urgence, c'est moins le bilan carbone, même s'il faut le faire, que la prise de conscience de la contingence de nos constructions. Un meurtre commis avec des armes renouvelables demeure un meurtre. Ce trop long exposé pour dire une chose très simple. On peut se demander comment continuer à faire de la merde avec un peu moins de dégâts immédiats, et c'est louable, mais on peut peut-être aussi se demander si on a vraiment envie de continuer à faire de la merde. Même durable, ce qu'il n'est pas, même sans incohérence énergétique, ce qu'il n'est pas, je crois qu'un réel, où il sera possible, grâce à la technologie Musk, implantant des électrodes directement dans nos cerveaux, de faire de magnifiques balades virtuelles dans des forêts numériques, tandis que les arbres réels auront pour l'essentiel brûlé, n'est pas désirable. Plus qu'un changement de paradigme, c'est une révolution du désir dont il est question, du désir au sens deleuzien, c'est-à-dire en tant que valeur propre et non pas comme simple mode d'accès au plaisir. Pour revenir à la question initiale biaisée, je crois qu'il faut plutôt la reformuler en « Pourquoi ne fait-on pas rien ?» et surtout « Pourquoi demeurons-nous de façon aussi maladive dans des alternatives extrêmement chétives ?» Merci et pardon pour les 5 minutes de dépassement. Bon, Jean-Marc, tu aurais dû faire mettre la clim, hein. Non, mais ça n'a pas de sens. Ouais, sérieusement. Non, mais sérieusement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que c'est très facile pour moi de dire ça. Et je le sais très bien, ça. Que quand on est un élu local, quand on est un ingénieur d'une grande entreprise, quand on vit en travaillant effectivement à la décarbonation, on ne peut pas se permettre d'avoir exactement ce discours-là. Donc je sais très bien que je suis dans une position aisée pour avoir le droit de dire ces mots. Et donc voilà, j'ai pas de mérite en fait. Je me mets pas personnellement en danger en disant ça. À ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Bonsoir. Ô temps, suspend ton vol. Après l'heure, c'est plus l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure. Qui veut voyager loin, ménage sa montre. Bien entendu, tout le week-end, l'actualité sera branchée sur le cadran électrique ou non qui vous fera vivre dimanche une journée de 23 heures, mais qui, finalement, ne gagnera pas grand-chose sur le temps que nous avons à vivre, ni sur ce que nous faisons du temps que nous vivons. La raison de ce retour à une vieille tradition, l'heure d'été, une tradition qui n'évoque pas forcément de bons souvenirs, eh bien c'est de mettre nos horloges à l'heure du soleil pour faire quelques économies d'énergie. Et sur ce point, il faut quand même prendre en considération le scepticisme de l'EDF. Elle n'attend pas une vraie baisse de la consommation. D'ailleurs, c'est vrai que si on en est aux économies de bout de chandelle sur l'énergie, il faudrait expliquer à un certain nombre de citoyens pourquoi les éclairages publics restent parfois allumés en plein jour. Mais ceci est une autre histoire. Que va-t-il se passer en fait? Dimanche, quand vous dormirez à 1h du matin, il sera brusquement 2h du matin. Si vous regardez votre montre en dormant, vous aurez perdu 1 heure de sommeil, et si vous ne la regardez pas, ce sera comme d'habitude, ni plus ni moins. Quand on essaie de m'expliquer ça à moi, c'est un peu comme quand on veut me faire comprendre les liens de parenté entre la petite cousine de la nièce de la tante Berthe et l'oncle du cousin Isidore qui s'était marié en seconde noce avec le troisième enfant né d'un troisième lit de la grand-mère du premier nommé. Je n'y comprends rien. Ce que je vois bien, c'est que le changement d'heure va poser des problèmes à la SNCF, à l'aviation, au transport en général et surtout aux travailleurs frontaliers. Nous aurons l'occasion de vous préciser ces problèmes pendant le week-end, puisque l'équipe de Thierry de Citivaux a préparé là-dessus un certain nombre de reportages. En attendant, il n'est pas question de vous laisser sur mon incompétence. François de Closet va d'abord vous dire le pourquoi de ce changement d'heure dimanche et les vraies économies d'énergie qu'on peut en attendre. Michel Chevalet vous proposera ensuite, d'un coup d'œil, les conséquences de ce changement, notamment pour nous, la télévision. Premier principe, en matière d'énergie, une économie est aussi intéressante qu'une production. Deuxième principe, ce sont les petites économies qui font les grandes. Pour faire marcher ses automobiles, la France doit importer environ 20 millions de tonnes de pétrole chaque année. Si l'on découvrait demain, en France, un gisement capable de produire ces 2 millions de tonnes par an, on n'importerait plus que 18 millions de tonnes, par exemple, pour cet usage chaque année. Mais si l'on améliorait de 10% le rendement des moteurs automobiles, le résultat serait exactement le même puisqu'il suffirait d'importer 18 millions de tonnes de pétrole par an pour la circulation. Dans ce cas précis, bien sûr, il faudrait effectuer des recherches et transformer les moteurs automobiles. Cela coûterait de l'argent, mais depuis que le pétrole est cher, de nombreuses économies sont devenues rentables. Avant la crise, quand on ne parlait pas d'économie, on avait prévu que la France consommerait l'équivalent de 285 millions de tonnes de pétrole par an en 1985. Il est prévu que cette consommation ne dépassera pas 240 millions de tonnes. C'est dire que l'on compte produire l'équivalent de 45 millions de tonnes d'économie chaque année dans une dizaine d'années. Et dès 1975, ces économies ont atteint 15 millions de tonnes. Cela, bien sûr, sans imposer des restrictions intolérables. Où trouver ces économies? Les gros filons ont vite été repérés. Le chauffage, par exemple. 1 degré de moins, 4 millions de tonnes de fuel économisées. Mais pour la suite, il faut viser des économies qui se chiffrent en milliers et plus en millions de tonnes. Cette semaine même, les cimentiers se sont engagés à transformer leurs procédés afin d'économiser 400 000 tonnes de pétrole par an dans une dizaine d'années. Se mettre à l'heure d'été permettra d'économiser de l'éclairage, Cela ferait gagner, au maximum, 300 milliers de tonnes de pétrole par an. Économie modeste, mais gratuite. Et quand on n'a pas de pétrole, il ne faut négliger aucune idée. Si midi devient une heure, les trains partiront toujours à l'heure de votre montre. Donc, de ce côté-là, aucun changement. Simplement, quelques problèmes pour la SNCF dans la nuit de samedi à dimanche. Les trains partis samedi à l'heure arriveront donc en retard dimanche matin. Par contre, c'est du côté de l'étranger, du côté des frontières, que les choses sont plus épineuses, puisque les trains changeront d'heure en passant la frontière. Alors, renseignez-vous. De même, Air France a dû résoudre quelques casse-têtes d'horaires. Par exemple, le Paris-New York de 13h partira à 13h30. Et le New York-Paris, attendu à Orly, se posera à Roissy. Motif, l'aéroport d'Orly est fermé au trafic à partir de 11h le soir. Enfin, les télévisions vont avoir quelques problèmes. Par exemple, nous qui recevons d'habitude à midi les images en provenance de l'étranger, images que nous vous présentons dans le journal d'Yves Mourouzi, eh bien ces images tomberont en plein journal. Et de fait, nous risquons de ne pas pouvoir vous les présenter en direct. Enfin, les journaux des télévisions étrangères vont se placer au moment du film sur la première et la deuxième chaîne. Du coup, Télé Luxembourg a avancé son journal d'une demi-heure de façon à ce qu'il apparaisse en même temps que le nôtre. Comme quoi, économie ou pas, concurrence oblige. Oui, et puis il y a des problèmes d'échanges internationaux au point de vue image qui ne nous avantagent pas, nous, télévision. Bien, cela dit, ne manifestons pas une mauvaise humeur ou une mauvaise foi tout à fait inutile à propos de ce changement d'heure. Beaucoup diront les avantages de l'heure du soleil, comme pendant mon enfance en Bretagne, et surtout, il apparaît clairement que les ouvriers, les employés qui rentrent chez eux, bref, tous les gens au travail, pourront profiter des longues soirées d'été, notamment pour faire du sport. Ah, voilà un avantage, en effet. Un matin, notre caporal chef de carrière se pointe dans la cour. Je vais vous instruire, bande d'andouilles. Qu'est-ce que c'est que le radar? Hein, vous vous demandez ce que c'est que le radar? Je vais vous dire, qu'est-ce que c'est que le radar? Le radar, c'est comme qui dirait un rayon lumineux qui partirait d'un phare de voiture. Il y a un jeune homme qui l'arrête et je m'excuse, vous faites un lapsus. Vous dites un rayon lumineux, vous dites. Forcément qu'un rayon est lumineux. Il ne peut pas y avoir d'autres rayons. Et les rayons de vélo, douille. Le radar est comme coupe plus, hein. Je vous instruis. Le radar, c'est comme qui dirait la parabole d'un rayon lumineux qui partirait d'un phare de voiture et qui reste écrasé contre une glace et qui reviendrait à son point de départ, c'est-à-dire que nous avons la parabole A, Z, mais si en cours de route, il y a un point C ou un point D qui l'empêche de revenir, qu'est-ce que vous faites? Vous prévenez vos supérieurs. Maintenant que je vous ai instruit, je vais vous poser des questions sur votre opuscule du Parfait Soldat, que vous devez connaître par cœur. Je vais vous poser une question au hasard, n'importe laquelle. J'en cherche une de préférence qui a une réponse. Combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du canon? Vous! Ça tombe pas sur moi un coup de peau. Hein. Le gars, il fait... Ça départ. S'il y a du vent... S'il pleut... Je vous demande pas ça, Andouille. Je vous demande la réponse qu'il y a là. 20 minutes. Non! Vous! Il a dit 20 minutes, oui. Il faut mettre un peu de 20 minutes, quand même. Oh oui, plus de 20 minutes, vous faites bien compter un bon quart d'heure. Hein. Non, vous, 4 jours. Vous me les ferez les 4 jours, vous. Vous, une seconde. Non, vous, 3 secondes. Non, vous, 2 secondes. Non, vous, je m'en fous. Quoi? Je m'en fous. Vous en foutez? Moi, je m'en fous, alors. Bah, mettre 15 jours, 3 semaines, 10 ans, alors. Hein. Je m'en fous. Hein. Je vais faire une lettre à vos parents, ils vont être fiers de vous. C'est pas une réponse, ça. Vos camarades, ils ont répondu quelque chose. Dites-moi quelque chose, vous. Faut pas, moi. Répondez-moi quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais... Dites-moi quelque chose. Bah, je vous dirais, ben... Je vous dirais, ben, quelque chose, mais j'irai en tôle, alors. 8 jours. Non, vous. Je sais même pas qui chauffer, moi. Vous, une minute. Il y en a même qui marquent et la réponse des autres pour pas dire la même chose. Je vais vous la donner la réponse, ma bande de crétins. C'est pourtant simple, c'est écrit là, là. Des grands gaillards de 28 ans, bon sang, vous savez pas ça? Lorsque l'obus est sorti du canon, bande d'andouille, le fût du canon pour se refroidir, mais il met un certain temps. Bonsoir à tous. Pour ceux, nombreux selon les sondages, qui se sont laissés prendre au charme discret de la cohabitation, le mois de mai aura contribué à remettre les pendules à l'heure. C'est bien la droite qui gouverne en France. Et les sympathiques frimousses de nos jeunes ministres libéraux ne suffisent plus à masquer les trognes plus viriles des excellences à poigne qui occupent désormais la place Beauvau. Messieurs Pasqua et Pendreau, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom, ont largement occupé l'estrade ces dernières semaines par le verbe qu'ils ont coloré et par l'action qu'ils veulent énergique, même si c'est monsieur Chalandon, de tempérament moins rugueux, qui a été chargé de vanter au peuple le projet de loi sur la sécurité publique. On peut y distinguer sans mal la patte des deux superflics du gouvernement et la philosophie qui les inspire. La France, certes, reste un État de droit, personne ne prétendra le contraire, mais un État où certains semblent avoir plus de droits que d'autres. Avant même que les nouvelles mesures envisagées n'aient force de loi, les policiers démontrent, eux, tous les jours, qu'ils ont bien compris que le pouvoir avait changé de main. Jusqu'à s'arroger, et c'est cette étonnante histoire des jeunes filles interpellées aux halles et placées pour la nuit au dépôt, le droit de décider de l'éventuel danger moral qui pourrait menacer nos rejetons, puisque c'est la raison officielle qui fut donnée à cet embastillement impromptu. Ils ont séparé les mineurs et les majeurs. Les majeurs, ils les ont fouillés un à un et ils les ont relâchés après la vérification des papiers. Et nous, ils nous ont gardés, ils ont fouillé un par un. Et on a demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Et ils nous ont fait, bon, ben, vous allez passer la nuit au dépôt avec des mineurs. Alors moi, je fais, est-ce que je peux téléphoner à ma mère pour la prévenir? Ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, on les appellera que demain matin. Je comprenais pas vraiment ce que je faisais là, quoi. J'avais rien fait, j'étais assise tranquillement, puis ils sont venus me chercher et j'ai pas compris. Nous non plus, on n'a pas compris. Ou plutôt, on a très bien compris. Ce n'est certes pas le désir profond de messieurs Pasqua et Pendreau de voir ainsi emballer toutes les punquettes du pavé parisien. Au demeurant, ils ont, après quelques réflexions, condamné cette bavure. Mais on voit bien où est la pente. Ce ne sont pas les costumes trois pièces attachés caisse, ni les jeunes filles au look couvant des oiseaux qui risquent d'être l'objet des soins attentifs aujourd'hui, de nos braves gardiens de la paix. Trois fois, deux fois par les CRS, une fois par les Où est-ce qu'on vous contrôle? Dans le métro, surtout? Dans le métro, assez souvent. Et là, les gars, c'est ça. Bon, parce que je traîne plus ou moins, je pense, c'est pour ça. Je suis habillé peut-être pas trop conforme par rapport aux autres, je sais pas, vous êtes bien habillé, moi pas trop, c'est pour ça. Et vous trouvez ça normal de se faire contrôler si souvent? Non, pas du tout, moi. On est en France, Je me pose la question des fois. L'ennuyeux avec l'idéologie sécuritaire, c'est qu'elle privilégie toujours les mêmes. Les pauvres, les jeunes, les marginaux, les différents, les pas bons chics, pas bons genres, et plus encore, les basanés et les crépus. La multiplication des bavures policières ces derniers temps devrait inquiéter un Premier ministre qui s'affirme soucieux de défendre les libertés individuelles. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est lutter efficacement contre le terrorisme, contre la criminalité, contre la délinquance, et croyez bien, sans porter la moindre atteinte, ça va de soi, aux droits de l'homme. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte aux droits de l'homme ? Bien sûr que non, Monsieur Chirac, vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte aux droits de l'homme. D'ailleurs, y a-t-il des têtes à cela ? Mais comment vous cacher que votre récent discours d'autun devant les sénateurs de votre majorité nous a quelque peu fait froid dans le dos ? Vous y traitiez de l'information télévisée. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. Je ne voudrais pas que le gouvernement soit obligé d'utiliser régulièrement la procédure de déclaration du gouvernement pour faire des mises au point, jour après jour, sur les antennes de telle ou telle chaîne de télévision, afin de corriger ce que peut avoir de trop systématiquement excessif, déformateur, le commentaire. Ce serait une petite guerre absurde. Alors je fais appel au sens des responsabilités de chacun pour que raison soit gardée et que l'information en France conserve ou affiche la dignité qui doit être celle d'une démocratie. Soumission ou démission, vieille alternative aussi vieille que l'histoire de la télévision. Permettez, tant qu'il en est temps encore, de dire les choses crûment. Une émission comme celle-ci, depuis qu'elle existe, a toujours eu comme raison d'être de s'opposer à la raison d'État. Sa fonction a toujours été de râler, de rouspéter, de dénoncer les abus de pouvoir, d'où qu'ils viennent, et elle ne s'en est jamais privée. D'exprimer aussi, parce qu'ils n'ont guère la parole, les angoisses et les révoltes des laissés pour compte de notre société. Comme ces balayeurs du métro, par exemple, qui ont mené cette grève dure pour protester contre les injures racistes. Comme ces exilés de l'intérieur, ni vraiment français, ni franchement maghrébins, qu'on ratonne dans les rues de Toulon ou de Marseille. Comme ces familles qui débarquent des pays lointains, turcs, tamouls, zaïrois, iraniens, qui fuient leur pays de dictature et viennent chez nous parce qu'on leur a dit un jour que la France était terre d'asile. Les temps sont durs, monsieur le Premier ministre, nous vous l'accordons, et ce n'est pas facile de gouverner, mais vous l'avez voulu. Souffrez que nous, qui ne sommes pas des hommes de pouvoir, qui ne roulons pour personne, puissions poursuivre notre critique, notre fonction critique, qui est l'indispensable contrepoids à tous les pouvoirs qui se concentrent entre vos mains. Résistance numéro 34. Avant d'acheter ma carte vermeille pour faire des voyages au soleil ou entrer dans ma tour d'ivoire pour enfin jouir de mes avoirs, avant que ma tête soit ramollie, avant que mon corps ait trop vieilli, avant que les vers me ponctionnent, je voudrais qu'on éclaire ma route, que l'on m'explique une fois pour toutes comment l'État ça fonctionne. Ce gros machin mystérieux qui fait que les gens sont pas heureux. Je dis avant que ma voix ne se perde, l'État, l'État, c'est l'État de merde. Dire que l'État eschatologique, c'est pas vraiment très sympathique. Pour la vraie fiente, le vrai crottin, qui engraisse si bien nos jardins. Comparer l'état d'état, de bouse de purin de lisier, c'est négatif comme postulat. On est quand même les héritiers de la grande révolution que le monde entier nous envie. Mais la pauvre vieille pervertie, épuisée par la concussion, n'a plus vraiment grand chose à perdre, L'État, c'est l'état de merdre. Vive le père Ubu. L'État, après tout, c'est virtuel. C'est comme le bon Dieu et ses saints. Ça n'a pas d'existence réelle. Ça sort de nos esprits malsains. Mais ça commande à la justice, ça fait la loi et la police, ça joue avec le nucléaire. Ça décide si on fait la guerre avec l'argent des citoyens. Avouez que c'est quand même pas rien. Faut croire qu'on a l'esprit patraque pour supporter de telles arnaques. Masochiste, on aime bien marcher dans l'état de merde. Ça fait 60 ans que je respire, et plus ça va, plus ça empire. Hier, pour former ma jeunesse, j'ai eu ma petite guerre coloniale. Et puis 40 ans de promesses, raison d'état, discours moral, xénophobie et exclusion. Gouverné par des maquignons, on se demande qui les a mis là. Pardi, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Demain l'Europe du capital, la flexibilité mondiale. Désespéré, je m'asphyxie dans l'état de merde. Guillaume Meurice, oui, vous traînez vos basques dans les rues, vous. Mais tout à fait, je vais vous parler sobriété aujourd'hui. Alors Charline, calmez-vous, ça ne concerne pas l'alcool, vous pouvez rebrancher votre perfusion au vin chaud. Je vais vous parler sobriété énergétique, économie d'énergie. Alors en ce moment, ça se bouscule au sommet de l'État, hein. On a tous vu les images. Bruno Le Maire met des cols roulés, Gilles Legendre a ressorti son étendoir à linge, Gérald Darmanin se déplace moins en avion, hein. Il a dit il limite son nombre de viols. De vols. Oh là là, oh là là, oh là là là. On attend donc avec impatience Gérard Larcher en slip tricoté à la main. En attendant à Paris, une carte a été éditée et oh surprise, c'est dans les quartiers riches qu'on pollue le plus. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui avez fait cette carte. La surprise est totale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans les quartiers riches de Paris, ce que Thomas Croisière appelle chez moi. Voilà. Et alors, je suis d'abord tombé, ça, ça vante pas, sur un monsieur stationné au volant d'une Porsche, une belle Porsche. Alors, est-ce qu'il est prêt à faire des économies d'énergie? Est-ce qu'il est prêt pour la sobriété? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez faire alors comme économie? Je n'ai rien prévu. Ça a pas l'air de vous passionner, ce sujet de pas sobriété. Vous n'allez pas moins prendre votre Porsche alors? Non. Mais je la prends surtout pour partir me promener, me balader. Normal. J'aime beaucoup les voitures. Je collectionne les voitures anciennes et j'entends qu'on me foute la paix. Voilà, parce que chacun ses passions. Hein, et foutons la paix aux riches. Voilà, les pauvres, ce qu'ils aiment, c'est collectionner les croûtes de fromage ou les maladies respiratoires. Est-ce qu'on va les culpabiliser? Non, c'est chacun sa passion. On fout la paix aux riches et leur collection de voitures de sport. Chacun son truc, pas d'autophobie, on l'a dit, n'est-ce pas? Non, excusez-nous d'avoir des grosses voitures. Mais je baisserai pas mon chauffage, c'est clair. Non. Mais est-ce qu'il faudrait pas rendre les riches moins riches? Comme ça, ils pollueraient moins. Non, moi je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Pourquoi? Parce que le riche est fait pour être riche, le pauvre est fait pour être pauvre. Oh non, ça sera toujours comme bien, ça. On pourrait imaginer qu'on redistribue un peu mieux les richesses. Non. Non, pas envie. Citation de Louis de Funès, la folie des grandeurs. Il cite les grands auteurs. Voilà, comme quoi, allez, ça marche encore. Voilà. Vous avez entendu, donc les pauvres, c'est non, il n'y aura pas de redistribution. Des os, pas des os. Hein, comme on dit, c'est d'ailleurs le slogan du MEDEF. Des os, pas des os. Parce que les riches, ils en ont marre. Ça commence à me gonfler parce que nous, on essaye de faire au mieux. De ne pas consommer beaucoup d'énergie, etc. Moi, j'habite dans le 16e. C'est maman. On dit que c'est dans les quartiers riches que ça pollue le plus. Bon, non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Hein. Oh non, c'est mais pas... ça, c'est Hidalgo, ça. C'est Hidalgo. À tous les coups, c'est Hidalgo. Hidalgo, elle a deux passions, faire chier les riches et faire perdre 12 points à la gauche à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et elle est vraiment forte dans vraiment les deux. En tout cas, le gaspillage, c'est pas les riches. Non, je ne crois pas parce que je vois par chez moi les femmes de ménage, elles font pas attention, elles achètent un sandwich, elles en jettent la moitié. Bah, quand on est à court d'argent, on le garde pour le soir. Oui, c'est les pauvres qui gagent. Oui, je crois. Je crois aussi, si l'on en croit la gabegie des pauvres, hein, qui mangent qu'une moitié de sandwich et qui jettent. Non, mais c'est votre quotidien. Mais je suis pas d'accord. Ils jettent même les filtres des cigarettes. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Moi, j'ai vu un SDF cracher par terre. C'est fou. Quand on n'a rien pour boire, on gaspille pas comme ça. Ils finissent pas leur 8-6. Non, mais ça. Bon, et puis entre riches et pauvres, c'est compliqué à définir. Les riches, qu'est-ce que c'est? À partir de combien on est riche? Moi, je trouve de 30 000 par mois. Hein. À partir de 30 000, on est riche. Oh, oui, je crois qu'on peut voir. Mais en dessous, non? Non, en dessous, non. Il y a des gens qui sont très aisés, mais qui ne sont pas riches pour autant. Hein. Non, de toute façon, la vraie richesse, elle vient du cœur. Hein, on le sait. Hein, c'est ce qu'on dit aux techniciens de Radio France qui demandent des augmentations. C'est un métier passion, hein, vous métier avez. Passion. Hein. Métier passion, vous avez déjà de la chance de voir Nagui en vrai. Donc, calmez-vous. Et puis de croiser Pierre Arditi 54 fois par an, parce qu'à chaque fois, il Alors, c'est pas un reproche, parce que moi aussi, j'ai des invités fétiches dans mes chroniques, dont un que vous connaissez, Roger. Ah, non, Roger. Ah, ben voilà, même il a le lundi maintenant. Il a un avis sur comment devenir sobre énergétiquement. Eh bien, déjà d'une, faut couper l'électricité aux écolos. Ben parce que c'est des cons. Et ben voilà. Et ben Roger, ministre de l'écologie, hein, on coupe l'électricité aux cons. Alors là, vous allez voir, on va être un pays exemplaire si on fait ça. Voilà, c'est on aura ça. Un bilan carbone négatif. Allez, concluons avec Roger sur les riches. Mais les riches, il en faut des riches, écoute. Est-ce qu'on est d'accord que les riches polluent plus que les autres? Moi, j'ai un doute. Ouais. Moi, j'ai un doute. Parce qu'il faut quand même attention. Les riches? Oui, quand même. Certains. Il y a des riches qui sont bons, hein, je vais dire une chose. Est-ce que les riches sont trop taxés en France, Roger? Oui, t'as des connards là. Je vais encore parler des connards qui nous gouvernent depuis 50 ans. Ouais. Ces connards-là, depuis l'ordure de Mitterrand, de toute façon. C'est Roger, voilà, il est écolo parce qu'il recycle quand même pas mal ses discours. Ça, c'est de l'idéologie circulaire, hein, il tourne un petit peu en boucle. Mais ceci dit, il a raison sur un point, en allégeant les taxes des riches depuis 50 ans, les politiques font de la merde, et c'est de la merde même pas compostable. Guillaume Meurice, merci. Sí, Guillaume. Sin pretensión tengo mal reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mí, bien, y tras de mí. Tras de mí toros. Tras de mí toros a correr. A ver, un y va. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar.